Danger and Cuts. Hey! Salut, c'est Julie Moé, la voix de l'émission. Bienvenue aux Audionautes dans ce nouveau numéro, sur Radio Pulsar 95.9. Et partout dans le monde grâce au web, en streaming. Vous allez écouter un mix machine radical de musique Dojin. Par Nitrom the Metronome. Le Dojin est un vaste mouvement culturel japonais, qui couvre les mangas, la littérature, les jeux vidéo et la musique. Pour résumer grossièrement, c'est une production amateur auto-éditée. Le Dojin a sa convention biannuelle gratuite tous les ans à Tokyo. Le Comiket. C'est la plus grande convention de création amateur indépendante au monde. Cet événement ferait passer la Japan Expo pour une gentille kermesse de village. Dans la musique Dojin, tous les genres sont représentés, mais un seul est joué dans le mix de Nitrom the Metronome, le J-Core. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Conseil avant la suite de ce programme. Pour cause d'accidents sonores fréquents, le port du casque est recommandé. Attention, tu risques de te faire pincer très fort. Let's go! Alien intelligence that knows all. We'll be right back.

the most beautiful, ugly sound in the world. Vous écoutez, Pulsar, le soir, comme par hasard. C'est Nitrom the Metronome aux machines, pour un mix de musique d'Ojin. Danger and Cuts. We'll be right back. salad. We'll be right back. 歩む。ここにしかない光景を見つけに行くから。あんなに恐ろしい乱れたインターネットから、この雪みたいに美しい独天派が来たんだよ。 インターネットエンジェルという現象は、仮定された遊戯交流伝統の可愛い虹色の照明です。ブイ。あらゆる透明なアカウントの複合体。このクソコミカスクシュクシュな現実を忘れさせてあげる慈愛の天使。大人のみんなには内緒だぞ。大丈夫、もう何も怖くないから、そんな SNS 抜け出して二人で富を見に行くぞ。インターネットやってどこ。 わかる真似をして、何も知らないね。あなた 駆け巡るエクスタシー、溶けるナイスに 越しの光を通し、オタクの孤独を癒して回る。私はインターネットの天使なのだ。 Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world.

人は検挙されていますが、謎の武装集団による相次ぐテロ行為に都民は眠れぬ夜を過ごしております。さて次は今日の特集、夏のお台場名物コミックマーケットは今年もあった。 天に星、地に花、人に愛を、愛の戦士キューティーハニーさん。 それでダメで消しに、 私がどれくらい好きか教えて。 beautiful, ugly sound in the world. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci d'être passé nous voir. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau hypermix glitché à point. Avec plein de musique électronique indépendante made in Japan. En attendant notre retour sur l'antenne de Pulsar, tu peux suivre l'actu de l'émission en tapant radio-pulsar.org. Mais fais attention, car tu risques de te faire pincer très fort. Restez sur Pulsar, juste après c'est l'indépendance. A plus, bye. Danger and Cuts, out. つながらないよ持っていたビーズを